Micro ouvert. La rencontre se fait parce que j'ai rencontré il y a longtemps un monsieur qui a fait vraiment une critique sur le numérique, qui s'appelle, on peut le nommer d'ailleurs, hein, Marc. Marc Ougnadi, oui. Et je lui ai demandé en fait s'il avait une connaissance ou un lien pour faire un micro ouvert sur le numérique, parce que je trouve que c'est très très chaud ce qui se passe en ce moment avec le Covid et compagnie, et le confinement, on était tous sur nos PC, smartphones, tout ce qu'on veut là, on ne pouvait plus sortir. Et donc du coup voilà, j'ai ici en face de moi Steve, que je ne connais pas du tout. Voilà, je sais juste qu'il est ingénieur. Est-ce que tu, qui fait partie d'un collectif de réflexion et d'action qui s'appelle Alter Numeris, qui est en construction depuis un an. Exactement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour te présenter ? Ingénieur en quoi ? Comment ? Alors, je suis ingénieur en mécatronique. C'est un mot compliqué qui veut dire globalement, enfin, on fait de la robotique. Je bosse depuis plus de 10 ans dans les startups de robotique qui créent des robots mobiles d'extérieur pour automatiser certaines tâches. Et, comme quoi, par exemple ? J'ai bossé pendant 7 ans dans une chouette boîte à Wavre qui s'appelait Bell Robotics, hein, qui s'appelle maintenant Yamabiko Europe, qui a été rachetée par des Japonais. Et c'était des robots qui tont les pelouses, mais de très grandes surfaces, donc qui étaient utilisés principalement pour les terrains de sport, terrains de golf, terrains de foot, etc. Et donc c'est de l'entretien automatisé. T'as planché sur ces robots-là, c'est toi qui les as mis en route, toi ? J'ai fait partie active de l'équipe de développement. Et donc, oui, quand je suis arrivé tout jeune en sortant de l'université, tu découvres, tu te fais former par les anciens qui sont là et qui ont de l'expérience. Et en fait, en 7 ans, tu fais le tour un petit peu de tout. Donc, j'ai refait de l'électronique, des capteurs, des softwares, de l'intelligence artificielle, de la gestion, de la production, de la prévente, tout ce qu'on peut imaginer dans le milieu. En tout cas, j'y ai touché, puisque c'était une start-up qui avait une taille humaine, donc j'ai pu faire beaucoup de choses. Donc oui, j'ai fait pas mal de techniques, puis j'ai fait pas mal de gestion, et maintenant je fais pas mal, un peu des deux. Eh bien, enchanté, Steve, alors. Mais donc, toi, t'as quand même un pied dedans, quoi, dans cette ingénierie, comme ça qu'on dit ? Oui, on est ingénierie. Bon, c'est plus qu'un pied dedans. Hein. Je crois que j'ai presque même les deux pieds dedans parce que j'ai fait presque l'entièreté de ma carrière dans des startups qui font ce style de robot. Et donc, j'ai été vraiment très proche de la technologie puisque j'ai moi-même codé, j'ai moi-même conçu les systèmes, j'ai moi-même réfléchi les systèmes. Et donc oui, je vis dans ce milieu-là. Et de façon générale, je suis entouré, tout mon réseau est principalement composé de gens qui sont dans les startups numériques, technologiques, d'ingénieurs, etc. Donc je suis les deux pieds dedans. Et maintenant, je ne vais pas dire que j'essaye d'en sortir, mais j'essaye de prendre justement un peu de distance et de recul pour analyser un petit peu ça de loin et essayer d'avoir un peu un regard critique sur la chose et de me poser un peu plus de questions sur les finalités, sur le pourquoi de ces technologies, plutôt qu'aveuglément de les faire pour le plaisir de la technologie. Oui, c'est ça. Au début, c'est le plaisir de le faire pour la technologie, quoi. Tu te disais quoi, justement ? Tu te posais pas trop de questions ? L'avenir, c'est les robots. Comment tu peux raconter ça ? Vous savez, quand on sort de l'UNIF, en tout cas en tant qu'ingénieur, on nous dit qu'on est un peu les meilleurs, on est la crème, on sera l'élite. Et donc, à 23 ans, personnellement... On y croit. Ouais, on y croit et on se rend compte après que voilà, c'est pas vraiment vrai. Mais en tout cas, on sort en voulant un beau salaire, une belle place, des perspectives d'évolution et la finalité, en fait, le pourquoi n'entre pas vraiment en compte. On veut en gros aller dans un truc le plus cool possible et où on gagne le plus d'argent. La plupart des ingénieurs d'ailleurs qui sortent de l'université ne font pas vraiment de technique. En général, plus du trois quarts font de la gestion, du management et ne retouchent plus directement à la technique. Moi, j'aimais vraiment ça, donc je l'ai fait. Et qu'est-ce que tu aimais là-dedans ? J'aime la complexité et j'aime les systèmes complexes. En fait, un robot, typiquement, vous avez toute une série de matières. On appelle ça de la pluridisciplinarité, qui s'enchevêtrent entre elles. Et donc, ce n'est pas que vous faites une chose. En fait, vous composez avec plein de choses différentes, avec plein de matières différentes. Et cette pluridisciplinarité, cette frontière qu'il y a entre toutes les matières, moi, c'est vraiment ça que j'aime bien, parce que c'est complexe. Ça demande de comprendre les choses dans leur globalité et pas seulement être expert vraiment très pointu dans un domaine. Ça demande aussi de bien pouvoir communiquer avec des équipes qui ne parlent pas du tout le même langage en fonction de leur spécialité. Et donc c'est complexe et j'aime bien ça parce que du coup, je ne m'ennuie pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à penser autrement, alors, je dirais? C'est juste ce que je dis? Oh oui, c'est, bon, je crois que c'est la crise de la trentaine. Hein. C'est la crise de la trentaine où on commence à avoir des réflexions un peu plus philosophiques sur la vie. Et quand j'ai démissionné hein, de cette société dans laquelle j'ai pas mal travaillé, eh bien, forcément, j'ai un petit peu plus de temps. J'ai pu vraiment prendre du recul. Et à un certain moment de nos vies, je pense qu'on a tous un peu ça. On s'arrête 5 minutes et on se dit, bon, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Et là, j'ai commencé à avoir des cas de conscience en me disant, ben, si je réfléchis à la finalité vraiment des choses, de la technologie de façon générale, je ne m'y retrouve plus vraiment. Il y a peut-être dans les équipements médicaux, ça peut être intéressant, mais sinon, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées qui se développaient et qui n'étaient pas forcément utiles ou qui n'étaient pas forcément en ligne avec mes valeurs. Et donc, j'ai décidé de faire ouais, un petit pas de côté, de me lancer beaucoup dans l'associatif, dans les associations, dans l'éducation, dans le développement durable, et ici dernièrement dans l'alternumérisme pour réfléchir justement un petit peu à toutes ces questions-là avec d'autres experts en la matière. Je dirais que ça, c'est un peu la nouvelle tendance, quoi, aussi. J'essaye de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis que c'est parce qu'on vieillit, j'ai 30 ans. C'est juste ça, ou bien. Parce que franchement, entre réfléchir sur le sens de la vie et faire les choses avec simplement pour l'argent, ou parce que ça rapporte, et puis voilà, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je dis ça, et puis en même temps, on est un peu à l'ère du temps, ou même dans les milieux, même les élites, quoi, bah, dont tu fais partie, dont tu as fait partie, je sais pas, c'est ce que tu disais un peu, veulent trouver un sens un peu plus profond à la vie, que ce qu'on leur a inculqué via les études, et via le business, via ce monde un peu superficiel, quoi, pour finir. Oui, tout à fait. Et bon, moi, quand je parle de la crise de la trentaine, je suis heureux de voir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la tendance. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu suis pas aussi cette tendance à tu comprends? Allez, hop, on reçoit la tendance qui est celle-là aujourd'hui, quoi. Ah non, bon, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est vraiment pour être en phase avec mes valeurs, parce que je ne supporterai plus maintenant de faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelque chose auquel je ne crois pas sincèrement, ça ne mobiliserait plus mon énergie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance et je suis très heureux de voir la tendance parce qu'elle se généralise, mais aussi pour des gens de plus en plus jeunes. On voit les jeunes qui marchent pour le climat, on voit les jeunes ingénieurs qui sortent et qui mettent un peu de pression sur les entreprises en disant, nous, maintenant, on veut que, par exemple, le développement durable soit intégré dans les politiques de l'entreprise parce que les jeunes, maintenant, ou en tout cas, j'ai l'impression que la génération qui vient, pour beaucoup la côtoyer, dans certaines associations, bah, se posent un petit peu plus ces questions-là. Donc je suis très heureux de ça, que cette tendance existe maintenant. Je ne sais pas si je la suis, mais en tout cas, je suis content qu'elle existe. Mais justement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ce changement, hein? Il y avait une question qui est le développement du numérique à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Et alors, spécifiquement dans cette période de crise sanitaire, tu peux un peu la dessiner? Wow, oui, c'est assez complexe, hein. C'est aussi finalement un système très complexe. Je pense, ou en tout cas dans les réflexions qu'on a portées avec le collectif Alternumeris, que finalement, Là, on n'en a pas encore parlé, en fait, du collectif, tu vois, c'est ça. Mais on va un petit peu le présenter, alors, du coup. Donc, ce collectif, il a un an? Oui, il s'appelle Alternumeris. On a fondé ça il y a un an, je pense. On travaillait ensemble depuis presque 2 ans. En fait, on s'est retrouvés grâce à un think tank qui s'appelle le Groupe du Vendredi et qui nous ont contactés, qui nous ont dit, tiens, si vous avez un projet intéressant, faites-nous signe. Et puis, bah, avec un membre du Groupe du Vendredi, avec qui je suis très ami, m'a contacté en disant, voilà, on pourrait faire un sujet sur le numérique parce que nous, on en parlait en privé depuis un petit temps. Et puis, bah, ce Groupe du Vendredi en question nous a dit, bah, qu'est-ce que vous nous proposez? Et puis, on s'est dit, bon, on va aller chercher des experts dans toutes les matières, ou en tout cas dans les matières qui nous semblaient pertinentes, mais autres que les matières techniques, hein, les sciences sociales, les sciences politiques, les sciences humaines, etc. Et de se dire, bon, on va essayer de décrypter le numérique, mais avec tous ces regards différents, et pas seulement au regard des ingénieurs qu'on entend finalement tout le temps partout et dans les médias. Et donc voilà, c'est un collectif qui est vraiment pluridisciplinaire. Et l'objectif principal, c'est d'arriver à apporter un regard critique, en fait, sur le rôle des technologies dans la société. Et aussi, ce qui est important, c'est pour nous, on veut qu'il y ait vraiment une appropriation aussi des citoyens de ces thématiques, une compréhension qu'une assimilation, que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe et qu'ils puissent du coup agir et penser de façon responsable par rapport à tout ce qui est en train de se jouer. Qu'est-ce qui est occupé à se jouer, comme tu dis? Mais il y a énormément de choses qui se jouent, hein. Je pense qu'on l'a vu ici pendant la crise. Pour nous, ce n'est pas vraiment étonnant. Je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu les technologies et le numérique, on a vu que finalement, la crise n'a fait qu'accélérer le processus. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé, où on s'est dit, tiens, les technologies, ce serait bien de les intégrer un peu partout. C'est déjà une espèce de modèle de société qui est poussé par toute une série d'entreprises, de géants du numérique, ou même de start-up, et qui sont largement suivies en fait, par les pouvoirs politiques. Et donc, cette tendance de numériser, d'ajouter de la technologie au monde, ben, c'est une certaine vision du progrès, mais qui est partagée vraiment par beaucoup de gens, ou en tout cas beaucoup de décideurs politiques. Et donc... Là, je m'y perds un peu parce que tu parles un peu généralement, quoi. Il faudrait un petit peu... Oui, tu dis que le numérique est un peu partout, mais alors c'est bien de préciser un peu aussi ces choses, quoi. Il est partout... Mais je pense qu'il est vraiment partout. En tout cas, moi, j'enseigne aussi un petit peu dans les cours de robotique ou de technologie que j'enseigne. On fait vraiment un effort avec les étudiants pour essayer de réfléchir. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un seul moment où les technologies n'interfèrent pas dans nos vies. C'était ça. J'avais une question comme ça. J'avais une question qui disait... quel est justement là, j'arrive plus à la trouver. Tu vois, dans quel secteur nous n'avons plus affaire à du numérique, quoi. Tu vois, dans la vie de tous les jours, un exemple, c'est plutôt l'inverse, en fait. Le numérique est vraiment partout. Oui, c'est ça. En fait, maintenant, il faudrait essayer de trouver l'exception dans laquelle il n'est pas. J'aurais eu envie de dire dans les relations peut-être familiales, dans les relations humaines familiales, parce que voilà, en général, quand on est en famille, quoique, maintenant, les gens sont de plus en plus sur leur smartphone et c'est compliqué. Et puis, on a vu avec la période de crise sanitaire ici que même les groupes sociaux étaient restreints et donc il fallait commencer à faire des visioconférences avec sa propre famille pour les voir. Donc honnêtement, j'y réfléchirais, mais là, comme ça, je ne sais pas exactement. Bah donc, on est d'accord pour dire que ce numérique, il est partout. Mais tu vois, j'essaie de comprendre qu'est-ce que votre collectif, qui est aussi, en fait, dans ce numérique, en fait, vous souhaitez qu'il y ait du numérique aussi partout ? Enfin, comment vous vous positionnez ? Parce que là, j'arrive pas bien à comprendre. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas pro-technologie aveuglément, on n'est pas technophile. Hein. Il y a beaucoup de gens, notamment dans les entreprises qui travaillent dans le secteur, qui ne jurent que par ça et qui nous disent que l'avenir est numérique, point. Et c'est comme ça, sans justification aucune, sans demander l'avis à personne. C'est leur vision du monde. On n'est pas technophobe non plus, puisqu'on a quand même une grande partie d'ingénieurs dans le collectif. Et donc, ce serait idiot de se dire que la technologie, on n'en veut pas, parce qu'il y a aussi des choses fantastiques qu'elle permet. Mais c'est plutôt d'apporter justement ce regard nuancé entre les deux critiques et d'essayer d'analyser un petit peu toutes les choses qui se jouent et de pouvoir mener des actions, dans notre cas, qui se veulent pour ce qu'on appelle une démocratie du numérique. C'est-à-dire que ce qui pose question actuellement, vraiment, et je pense que c'est fondamental, c'est le fait que tout ce numérique est dans nos vies, s'insère, même de façon insidieuse, parfois on ne s'en rend pas toujours compte, mais qu'on n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens qui décident ça, la façon avec laquelle se fait, ça se fait un petit peu en vase clos avec quelques décideurs, ingénieurs, entreprises, mais les gens n'ont pas grand-chose à dire. Et donc ce côté démocratique, c'est vraiment ça dans le collectif qu'on essaye de mettre en avant, que les gens, les citoyens puissent comprendre les enjeux, et puis une fois qu'ils les ont compris, ben, ils peuvent faire partie du débat démocratique et on peut discuter ensemble de vers quelle société on veut aller dans le numérique. Pour continuer dans ton sens, et quoi, ça donnerait quoi une société démocratique numérique alors ? Selon vos critères à vous, comment tu raconterais Je pense que... Idéalement, hein, vas-y, rêve, hein, comme ça je comprends un peu plus parce que je ne comprends pas. Je veux dire, pour moi, tu vois, déjà simplement le matériel numérique... Prenons les ordinateurs, les smartphones, c'est déjà un outil qui raconte tellement d'horreurs, puisqu'il faut du lithium, du cobalt, enfin voilà. Déjà en soi, l'outil est propice à plein de monstruosités, quoi. Et en même temps, vous parlez de développement durable. Enfin, tu vois, j'essaye de comprendre ce que tu me dis. Alors, il y a deux points ici qui sont abordés et qui sont extrêmement intéressants. Il y a le point de la démocratie, donc ça on peut l'aborder ici, on peut rêver ensemble de à quoi ça ressemblerait. Et puis il y a le point de technologie durable, ces deux points qui sont relativement différents. Je ne sais pas lequel tu veux aborder en premier ou si tu veux qu'on étaye un petit peu. Non, mais ce qui est, c'est qu'on est dans un cadre, ce serait chouette d'aller dans les grosses lignes, quoi. Tu vois, par exemple, bon, la démocratie, on sait ce que c'est, la démocratie, mais dans votre projet, sans rentrer dans tous les détails, hein, mais il y a ça comme question, et puis il y a aussi simplement tout le numérique, tous ces appareils, tous ces smartphones, tous ces ordinateurs, hein, je le répète, il y a des métaux rares, il y a le pillage de l'Afrique, enfin, tu vois, il y a toute cette horreur-là, comment vous vous positionnez là-dedans ? Eh bien, donc, pour les principes démocratiques qui sont spécifiques au numérique, l'idée, c'est d'une part de pouvoir offrir, nous en tout cas en tant que collectif, un regard vraiment éclairé sur les choses, intervenir dans le débat public, parce qu'on pense que vu que ce numérique est justement partout, il change fondamentalement des aspects vraiment essentiels de toutes nos vies. Et donc, à ce titre-là, on pense que les gens devraient au moins comprendre ce qui se passe. Et dans le débat public actuellement, si vous regardez dans tous les médias, dans tout ce qu'on lit, finalement, c'est un peu toujours la même vision qui vient, c'est la technologie, c'est l'avenir, point. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas d'autres alternatives qu'on pourrait imaginer. Et ça, on trouve que c'est problématique. Mais justement, c'est quoi que vous proposez ? Ah ben, on pourrait, en tout cas, d'un point de vue citoyenneté, par exemple, des choses qu'on est en train de faire dans le collectif, c'est recenser toute une série d'initiatives qui sont liées au numérique, qui sont des initiatives qui nous semblent porteuses de sens et qui nous permettraient d'habiter le numérique autrement. On va prendre des exemples très concrets que vous connaissez peut-être. Vous connaissez les Fab Labs, peut-être ? Parce que c'est un Fab Lab, donc ce sont vraiment des endroits où il y a des imprimantes 3D, des découpeuses laser, en tout cas de l'outillage qui permet aux gens de prototyper de façon assez simple des idées, mais ça permet aussi de réparer les choses. Si vous suivez un peu les mouvements, par exemple, de la transition, il y a quelque chose qui commence vraiment à se faire en Belgique, ce sont les Repair Cafés. Et donc, ce sont des lieux où des bénévoles, souvent des ingénieurs ou des techniciens, se mettent gratuitement à disposition des citoyens qui viennent et qui apportent en fait du matériel qui ne va plus. Et donc, on répare à la place d'acheter. Et ce genre de choses, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en avant et qui font que les technologies peuvent être a priori mieux utilisées. Parce que si on fait par exemple le rapport avec le développement durable et les matériaux qui sont pris, c'est certain que ça c'est en soi une catastrophe, mais en tout cas, il faut être réaliste. On va pas arrêter de produire des smartphones demain. Les gens ne sont pas prêts, l'industrie non plus, personne n'est prêt. Et de toute façon, personne ne veut ça parce que à partir du moment où on est habitué à une technologie, on fait rarement marche arrière. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser ces technologies. Dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on pourrait mieux utiliser nos smartphones, par exemple. Et aussi, au niveau de la consommation, penser à comment est-ce qu'on peut utiliser cela plus sobrement. Et donc, si on prend ici le cas particulier des terminaux, eh bien, on peut par exemple militer d'un point de vue politique pour des extensions de garantie. On pourrait se dire, pourquoi est-ce que tout est garanti 2 ou 3 ans ? Pourquoi est-ce que les constructeurs ne sont pas obligés de garantir au moins 5 ans, de garantir des pièces de rechange au moins pendant 10 ans, de publier les plans de réparation pour que au moins les terminaux qu'on achète puissent durer plus longtemps ? Donc ça, c'est la fameuse problématique de l'obsolescence programmée. Et ensuite, par rapport aux matériaux qu'on utilise, là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est en effet assez déplorable. Et je pense que là, on a une mission d'information. Il faut que les gens sachent ce qui se passe derrière, comprennent qu'il y a des enjeux qui sont sociaux, qu'il y a des guerres en Afrique, hein, globalement, pour tous ces matériaux qui sont présents dans tous les composants d'électronique. Et on peut essayer de travailler aussi sur des solutions. On a dans le collectif Alternumeris un de nos membres qui est chercheur à l'UCL en microélectronique et qui a déjà reçu pas mal de prix parce que dans ses recherches, en tout cas, il remplace des matériaux qui sont toxiques ou qui sont rares ou qui posent des problèmes éthiques par d'autres types de matériaux qui, eux, sont beaucoup moins problématiques. Donc je pense que tout ce que je viens de dessiner de façon un peu déstructurée contribue je pense à une utilisation un petit peu plus responsable du numérique. Oui. Ben oui, j'ai l'impression que ça c'est un peu la tendance, le futur comme ça de se dire de toute façon ce numérique il est là, on peut pas y échapper. T'as parlé, je trouve un peu vite, mais je me souviens pas de tes mots exacts là maintenant. Tu vois, tu parles de de toute façon en gros ce que t'as dit, c'est de dire cette société du numérique est là, de toute façon, on ne peut plus y échapper, nos smartphones, machin. Moi, Je suis pas si sûre parce que tu vois, c'est un peu ce qu'on, c'est un peu la société dans laquelle on est, c'est-à-dire que ce numérique, il est là et on peut pas y échapper. Tu dis un peu la même chose que ce qu'on nous impose aujourd'hui avec toute cette technologie. Bientôt, c'est la 5G, bientôt, c'est tous les objets connectés, bientôt. Alors, j'entends bien que ce que tu dis, c'est que votre collectif, il a envie d'y mettre. Tu prends l'exemple des repères café, il n'y a pas besoin du numérique pour les repères café, hein. Ah, quand même, il faut. Il faut des postes à souder, il faut un peu de matériel. Mais non, plus sérieuse. En tout cas, quand je. Un poste à souder, ça fonctionne sans ordinateur, hein. C'est Oui. pas obligé qu'il y en ait un, là. Je ne comprends pas comment tu fais le lien, là. Ah, bah parce qu'il y a de l'électronique, et donc dès qu'il y a de l'électronique, bah, tous les composants, tous les problèmes éthiques et sociaux dont on parlait restent d'application. Dès que vous avez de l'électronique, ça veut dire que ce n'est pas caractéristique qu'au numérique, de façon générale. Dès que vous avez de la technologie, dès que vous avez de l'électronique qui est embarquée dans quelque chose, il y a des problèmes d'approvisionnement, de construction, etc., qui sont liés à tout ça. Donc il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un ordinateur ou un smartphone, bien que les ordinateurs et les smartphones sont beaucoup plus gourmands dans ces métaux qui sont dits rares et qui posent problème. Tu comprends ce que je disais, ce que je dis, parce que ce serait marrant de réécouter juste ce que tu disais. Tu disais, ah oui, mais bon, moi ça m'a, ça enfin, je te reprends sur ces mots-là parce que c'est ce qu'on nous dit aussi dans l'autre monde, hein. C'est-à-dire que cette société numérique est là et on ne pourra pas y échapper, quoi, en gros. Et tu as l'air de dire, de toute façon, elle est là, cette société numérique. On ne peut pas y échapper. Donc, nous, ce qu'on a envie, le collectif, c'est d'y mettre plus de social, plus d'éthique, plus de, voilà, des choses comme ça. Et moi, j'aurais envie de rajouter, ben oui, c'est le nouveau business vert un peu qu'on met en place à toutes les sauces aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que c'est très important de nuancer parce que dit comme ça, en effet, ça peut être très fataliste, mais je pense que le fond de la pensée n'est pas celui-là. Le fait que la société numérique est telle qu'elle est maintenant, ce qu'on pense, c'est que ce serait illusoire maintenant de se dire, vous savez, il y a plein de problèmes avec le numérique, arrêtons. Si vous faites ça ne passera pas, les gens n'en ont pas envie. Donc, ce n'est pas réaliste de dire ça. Et donc. Qui dit qu'il y a plein de problèmes avec le numérique, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, ils sont, enfin, justement, avec ce qui s'est passé, le confinement, on n'arrête pas de mettre en avant. Et moi, c'est ce que j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui critique un peu tout ça, parce qu'il n'y a pas un moment où on dit, avec le confinement, c'est trop génial, on a quand même pu être connectés les uns avec les autres, on a pu utiliser tous les outils. Là, heureusement que ça existe quand même, parce qu'on ne sait pas comment on aurait fait. Tu vois, tout, par exemple, voilà, moi j'avais envie, il n'y a pas un moment comme ça bon, où on peut critiquer ça, tu vois, parce que voilà, c'est compliqué, hein. Oui, mais nous, notre but, c'est justement de faire ça. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'analyser ces choses-là ou d'en parler ici, mais on peut le faire avec grand plaisir. Maintenant, encore une fois, j'aimerais quand même vraiment apporter cette nuance qui dit, oui, la société numérique, elle est là, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est réfléchir à ses finalités et à pourquoi on fait les choses. Et ça veut dire que la technologie, pour la technologie, que de connecter des milliards d'objets ensemble, en ne sachant pas si ça va être efficace et potentiellement ça pourrait être un problème écologique, etc. Il faut être prudent par rapport à ça et donc il ne faut pas se lancer dans la technologie. Ce n'est pas parce qu'elle est là qu'il faut faire tout et n'importe quoi avec et donc il faut réfléchir un petit peu et penser ensemble qu'est-ce qu'on veut en faire. J'imagine qu'il y a certains usages qu'on n'a pas vraiment envie d'exploiter. Je pense par exemple à la reconnaissance faciale et ce genre de technologie. On est dans la surveillance, on est dans des choses qui sont extrêmement touchy d'un point de vue éthique. Est-ce qu'on veut aller vers ce genre de choses? Et on y va, on peut danser sur notre tête. Et c'est ça que j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui explique un peu, oui, c'est vrai, concrètement, là, avec ce qui se passe, il y a des choses, c'est dangereux. Voilà, j'avais envie que tu me donnes vraiment. Maintenant, voilà, je. Oui, faisons ça maintenant. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on y va, justement. On a l'air d'y aller et toutes les forces qui sont dans ce pays, en Europe ou dans le monde, nous poussent à y aller. Mais nous, notre job, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est se dire, les gars, arrêtons un petit peu et réfléchissons à ce qu'on veut faire. Parce que dire le numérique est là et c'est le progrès, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous savez, quand vous êtes dans le débat de la 5G, les gens à la Commission européenne vous disent, bah, vous savez, il y a eu la 1G, la 2G, la 3G, bah, la 4G, normalement, il y aura la 5G, puis il y aura la 6G. En fait, c'est une espèce d'ordre établi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, contre lequel il faut se battre, c'est se dire, le progrès est technologique et donc, c'est comme ça. tu vois, c'est un peu une fatalité, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. La technologie, c'est pas quelque chose de magique qui se meut seul et qui s'insère seul dans nos vies. La technologie, ce sont des gens, ce sont des décideurs politiques, ce sont des entreprises, ce sont des gens qui travaillent à construire un modèle de société. Et donc, je ne vois pas de quel droit seuls ces gens pourraient décider de l'avenir de la société. On doit intervenir à ce moment-là. Et donc, il faut vraiment être prudent par rapport à ça et ne pas tomber dans ce piège de l'urgence où on nous dit, vous savez, il ne faut pas rater le train du numérique, il faut rester compétitif. On nous met toujours comme ça dans cette urgence pour avoir toujours plus de technologie et parfois sans réfléchir ses finalités. C'est de la technologie pour la technologie et c'est ça qu'il faut éviter, je pense. C'est de la technologie pour le business, quoi. Il y a simplement ça qui marche et ça qui compte. Voilà. Je trouve que pour le moment, ou alors on nous parle d'une écologie verte, numérique, enfin tu vois, ça moi je trouve que c'est du business aussi quelque part déguisé. Je veux dire, pour le moment, je trouve qu'on patine un peu dans la conversation, mais n'hésite pas toi à m'emmener. Je veux dire, par exemple, on a vu pendant le confinement ce docu qui était sur Arte, qui s'appelait Tous surveillés, 7 milliards de suspects, réalisateur c'est Sylvain Louvet, hein. On y voit des caméras de Nice à la répression chinoise, le totalitarisme numérique. Hein, il y a même, je ne sais pas si c'est le premier ministre chinois, j'invente, mais en tout cas un ministre chinois qui donnait la leçon aux Français pour dire comment il faut faire pour maintenant empêcher les manifestants. Enfin, ouvrons les yeux, c'est ça qui se passe. Quoi. Tu vois, on peut être bourré de bonnes intentions. Moi, je ne vois pas... Voilà, on pourrait aussi peut-être parler de cette application du traçage. Je ne sais pas si tu es au courant, vraiment. Oui, bien sûr. Ben pour rebondir sur ces deux sujets-là, ben ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Parce que bon, si les gens qui ont vu ce reportage sur Arte, ça montre globalement que ce totalitarisme numérique, c'est la technologie qui est poussée à l'extrême, qui est mise au service de l'État pour de la surveillance qui est hyper intrusive. Et donc, quand on voit ça, ben on se pose vraiment des questions même philosophiques. Moi, j'ai vu ce reportage et je me suis dit, je pense que je préfère mourir. Je préfère mourir pour tous les risques, peu importe quel risque qu'on nous servirait. Mais je ne voudrais pas vivre en fait dans cette société-là, dans cette société chinoise où tout le monde est surveillé. Mais en même temps, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'on a des amis qui habitent en Chine et pour eux, en fait, c'est un peu normal. Ils ne voient pas spécialement le problème. Si on prend l'application de traçage, en Chine, bah, ça a été les premiers, les gens n'ont pas eu le choix. Il y a eu cette application de traçage et quand on entend un petit peu les Chinois, ils se disent bah, « Oui, c'est pour notre sécurité, c'est pour la santé, donc c'est le peuple d'abord. » Ouais, mais ils sont débiles. Oh, je ne dirais pas qu'ils sont débiles. Moi, je le dis, c'est parce que je veux dire, tu vois, il faut regarder aussi, tu vois, les Chinois qui critiquent. J'imagine que tu n'es pas obligé d'aller en Chine. Tu vas ici, tu vas discuter du numérique avec des gens. Ils vont te dire, oh, moi, c'est très bien. Moi, ça m'a permis de faire mes courses. Ça... Enfin, je prends un accent débile, mais enfin, je veux dire, enfin, voilà, tu vas discuter avec les gens. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine. C'est ça que je veux dire pour dire qu'il y a des gens qui sont vachement emballés par le numérique, quoi. Et tout, par exemple, les objets connectés, tu vois, les gadgets, des machins. Il y a des gens qui sont super emballés, hein. Oui, mais je pense que ça, c'est justement le risque de ne pas prendre ce pas de côté et de regarder les choses de façon critique. Je dirais pas que les gens, en tout cas, je ne dirais pas que les Chinois ou que les gens qui réfléchissent comme ça sont débiles. Je me dirais que ouais, finalement, c'est ce qu'on entend 24 heures sur 24. Hein, je veux dire, le discours ambiant qui est il faut connecter les objets, la 5G, etc. On nous bassine tellement que si les gens ne prennent pas un petit peu de distance avec ça pour réfléchir ou s'informer, bah, c'est normal qu'en fait, ils pensent comme ça. Là où en Europe, on a un petit peu plus de chance qu'en Chine. Bah, d'une part, les Chinois critiquent, à mon avis, c'est plus dur d'être critique en Chine qu'en Europe, hein, en termes de répression. Mais en Europe, on a quand même tout un cadre européen, par exemple, de protection des données pour ces applications de traçage qui font que les questions de la vie privée, la question des libertés est déjà au moins débattue. Là où en Chine, il y a zéro débat, c'est comme ça. Et puis voilà, là, on voit dans cette application de traçage que... Ici, là, l'application du traçage belge, tu parles, hein ? La chinoise. Ah non, la chinoise, elle est en place. Moi, ici, je parle plutôt en Europe. L'Europe, on connaît bien. Pourquoi ? Parce que l'Europe, il y a beaucoup de pays en Europe qui se sont lancés là-dedans. Nos voisins français se sont lancés là-dedans il n'y a pas longtemps. En Belgique, c'est un peu le flou artistique. C'est-à-dire qu'au début, on nous a dit oui, on va le faire. Et puis finalement, non. Puis ça a été du traçage manuel via call center. Et depuis quelques semaines, il y a une loi qui va passer ou qui a été proposée. Et donc, a priori, en début juillet, il y aurait peut-être cette application. Et donc en Belgique, on ne sait pas vraiment. Il y a une gestion politique qui est un peu floue. Mais c'est quoi justement qui se cache derrière, en fait ? Derrière se cache, je pense, l'enjeu majeur de cette application de traçage sont des enjeux qui sont des enjeux de liberté, d'éthique et de vision de la société qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument sacrifier sa vie privée et sa liberté, dans ce cas-ci, pour la santé ? C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais ce serait dangereux qu'un gouvernement y réponde seul, je pense. Et donc, c'est là que nous, les gens, les citoyens, les associations, peu importe, doivent intervenir dans le débat public. Et c'est ce qui a été fait en Belgique. Je n'ai jamais vu autant de débats, ou en tout cas de collectifs d'experts, d'académiques, l'Académie royale des sciences, d'experts qui se mettaient par centaines. D'experts de quoi ? Souvent, ce sont des experts en technologie, en droit du numérique, en éthique. On a eu la Ligue des droits de l'homme aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, quand je dis experts, j'exagère un peu. La société civile est pas mal sortie aussi dans des espèces de combats de cartes blanches pour dire nos libertés, on y tient, notre vie privée, elle est importante, on ne peut pas la sacrifier. Et donc ça, je trouve que c'est assez positif, que tous ces gens ont pu avoir la parole et que donc dans les médias, les gens ont pu lire que « Ah, mais en fait, cette application de traçage, parce qu'elle est technologique, en fait, elle n'est pas miraculeuse », les gens peuvent commencer à se poser des questions. Et ça c'est très important parce que pour le moment, on ne sait pas si on veut utiliser cette application de traçage. Ce qui est certain, c'est que pour reparler encore une fois des finalités, hein, je vous ai dit que ce qui était important, c'est de réfléchir le pourquoi on fait les choses. Cette application de traçage, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays voisins, ne semble pas très efficace, en fait. On sait que pour qu'elle marche bien, il faut un large public, il faut qu'une grande majorité de la population l'adopte, ce qui est peu probable, à mon avis, d'une part pour la confiance, et puis tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde ne met pas spécialement son Bluetooth branché tout le temps, donc il y a toute une série de contraintes très pratiques qui font que intrinsèquement, tout le monde ne l'utilisera pas. Et en plus, il y a toute une série de problèmes qui sont intrinsèquement liés à la technologie qui font qu'il y aura des problèmes, il y aura des faux positifs. Si vous êtes de l'autre côté du mur et que le Bluetooth vous détecte, l'application verra qu'on a été en contact. Et éventuellement, si vous êtes infecté, moi, je recevrai un message que je suis infecté alors qu'entre nous deux, il y avait un mur. Ces faux positifs, dans les transports en commun, dans les lieux qui sont où il y a beaucoup de monde, ils vont se multiplier. Et donc, je ne dis pas que ça ne marche pas, parce que j'en sais rien, il faut le tester. Mais en tout cas, il y a pas mal d'indicateurs qui nous montrent que ce n'est clairement pas la panacée. Peut-être que c'est un outil qui pourra servir, mais en tout cas, ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Et ça, c'est intéressant que ça arrive aussi dans le débat public, que les gens se rendent compte que à une application pour finalement rayer le virus, c'est pratique, c'est facile. Je veux dire, vous la développez en quelques semaines, tout le monde la télécharge, c'est fini. C'est un peu illusoire de penser ça. Et là, les gens se rendent compte que la solution technologique de l'application n'est pas forcément plus efficace que le traçage manuel. Et dans les autres pays qui ont déjà expérimenté ça, ils recommandent largement d'utiliser plus le traçage manuel, éventuellement le traçage comme support qui pourrait être intéressant, mais ne pas voir ça comme la panacée qui va tout résoudre, quoi. Oui, l'idée c'était de réfléchir sur il y a les règles de respect de la vie privée, la protection des données. Mais moi je crois qu'on est déjà un peu tous fichés, on est peut-être déjà tous peut-être un peu sur écoute avec nos smartphones. Je veux dire, il y a déjà des outils qui sont là quelque part qui demandent, il y a pas grand-chose à mettre en plus. Tu vois, pour être Alors, j'ai essayé de comprendre, oui, cette application du traçage belge, c'est quoi qui bloque au fond ? C'est que ce ne serait pas contraignant et donc il y a quand même des gens qui sont. Et donc, ce n'est pas obligatoire et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'investir dans quelque chose. Enfin, c'est n'importe quoi, hein, ce que je dis. Je n'ai pas du tout de. Tu vois ? Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus dans ce domaine-là, c'est que, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être bien discuté. Et en tout cas, qu'il y aura un encadrement. Il y aura un encadrement parce qu'il y a des lois qui ont été déposées, que les gens, en tout cas en Belgique, sont vraiment très alertes et suivent ça de très près pour ne pas qu'il y ait des bases de données centrales qui soient disponibles. Pourquoi ? Parce qu'une base de données centrale, si elle est piratée, s'il y a une fuite de données, c'est une catastrophe. Ça veut dire que vous avez des données médicales fichées de 10% ou 20% de la population belge qui sont disponibles à quelqu'un. On imagine les dégâts que ça peut faire. Ce serait assez catastrophique. Et des fuites, il y en a eu. Qu'est-ce que tu veux dire, les dégâts ? Ah ben, à partir du moment où toutes ces données sont dans la nature, on peut en faire tout ce qu'on veut. Mais c'est des dégâts pas pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire Pour ceux qui font du business et compagnie, enfin, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quand même eux qui font les lobbies, c'est eux qui font un peu les règles, qui mènent un peu la danse, quoi. Moi, j'ai pas le sentiment. Souviens-toi, durant le confinement, il y avait une pétition contre la 5G. Je sais pas combien il y a eu de personnes qui ont signé, puis cette pétition, évidemment, numérique, a disparu. T'as entendu parler de ça ? Oui, j'ai entendu parler. J'ai suivi ça de très près. Là, il y en a fait plus de 100 000 personnes en quelques jours. Oui, elle a disparu. Maintenant, globalement, la plateforme qui a hébergé ces pétitions, qui est change.org, qui est elle-même une plateforme en fait assez obscure. C'est-à-dire que les gens peuvent y mettre n'importe quoi. On peut payer pour que la pétition soit relayée vers plus de monde, mais cet argent va directement à change.org, qui, dans ses conditions générales d'utilisation, se réserve le droit d'enlever ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et donc ici, ben, les gens ont essayé de faire cette pétition, lutter contre le 5G, avec pas mal d'arguments derrière très, très sensationnels qui ont permis d'avoir beaucoup, beaucoup de signatures. Et puis, bah, ils se sont rendus compte que, ah merde, ces gens ont retiré toutes nos publications. Bah, oui, parce que c'est leur droit et parce que c'est leur plateforme numérique. C'est triste, mais ça veut dire que quand on fait les choses, il faut aussi réfléchir aux outils qu'on utilise. Oui, mais d'accord, mais là, on était en confinement obligatoire, chez soi, avec les outils. Voilà, on utilise un peu comme tu pourrais, ou ton collectif, dire, ah ben tiens, nous, on a envie d'utiliser des outils numériques. Là, c'est, on va dire que c'est une chouette idée, hein, on, contre la 5G. J'ai perdu mon fil maintenant. Oui, tu dis il faut se renseigner. Bah oui, mais c'était le moyen que les gens ont trouvé pour se mettre d'accord et de se mobiliser contre ces 5G qui étaient occupés à se mettre en place durant le confinement, quoi, avec Proximus et compagnie. Oui, bien sûr, je suis. Par rapport à la pétition en elle-même, j'ai aucun souci. Je veux dire, si les gens veulent faire valoir leur opinion, c'est très bien de le faire. Maintenant, on en revient encore à ce point-là de se renseigner, de prendre les informations. Si vous voulez, par exemple, en Belgique, faire une pétition, je pense que sur le site du gouvernement wallon ou du gouvernement fédéral, il y a des choses qui sont prévues pour ça. Mais c'est un peu plus contraignant. Il faut que les gens mettent leur carte d'identité. Et là, c'est une vraie pétition qui peut être portée au Parlement. Et ce genre de choses, pour moi, est plus pertinente. Change.org, ben, dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a d'autres, des plateformes comme ça, qui sont reconnues pour ne pas avoir des conditions générales très claires et qui peuvent faire globalement ce qu'ils veulent de vos données. Facebook, c'est la même chose. De plus en plus de gens s'insurgent que Facebook retire leur contenu. Oh, on a retiré mon contenu, on a dit que voilà, ça, surtout à l'heure du Covid maintenant, avec les fake news, etc. Mais il faut savoir que quand vous postez quelque chose sur Facebook, je veux dire, Facebook est maître de son contenu. Et donc, il faut le savoir. Et donc, ben, soit vous acceptez les règles du jeu, soit vous ne le faites pas. Et donc, c'est très, très, très important que les gens prennent l'habitude, dans les outils numériques, de se renseigner en fait sur ce qui se passe. Parce qu'il y a des outils, il y a des plateformes, il y a des logiciels qui sont libres, qui sont open source, qui sont safe, qui protègent votre vie privée, et il n'y en a pas du tout. Et donc, quand on parle ici de citoyenneté numérique, c'est aussi important de se rendre compte de ça. Si vous utilisez Google Drive, par exemple, tout le monde utilise ça parce que c'est document partagé, c'est très pratique, tout est dans le cloud. C'est génial, Google Drive, je ne connais aucune plateforme qui a autant de fonctionnalités et qui rende les choses si pratiques. Mais il faut savoir qu'une fois que vous mettez un document sur Google Drive, c'est clairement écrit dans leurs conditions d'utilisation. Les documents, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils ont la propriété mondiale de ce que vous y mettez. Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres solutions Google Drive qui seront payantes. En général, c'est bon marché, mais qui préservent votre vie privée. Ça, il faut éduquer les gens, il faut qu'ils soient au courant de ça. Oui, mais c'est... Reprenons cette pétition. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, tous ces Facebook, machin, mais en même temps... C'est ça qui se passe, c'est ça qui est là, c'est devant tous ces gros Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est des monopoles, quoi. Évidemment qu'il y a des petites niches, mais du coup, tu regroupes peut-être moins de gens, tu touches moins de gens. Comment on fait pour faire tomber ces géants, quoi ? Tu vois, ça a l'air simple quand tu racontes, il suffit d'aller chercher des petites plateformes. Alors oui, c'est payant peut-être, mais... Non, c'est loin d'être simple. Hein. Moi, c'est parce que forcément, c'est mon domaine, donc pour moi, je parle un peu de façon logique, mais c'est loin d'être simple. J'ai essayé l'année passée de m'affranchir du plus possible des produits Google. J'ai essayé de me dire, allez, j'essaye de trouver des logiciels qui sont libres, qui sont respectueux de la vie privée. Et donc, j'ai essayé de remplacer ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut remettre à ces sociétés qui font un travail extraordinaire. Je veux dire, avec Google, Gmail, hein, la boîte mail de Google, J'ai essayé plein d'alternatives. Je pense que personne n'offre autant de fonctionnalités, de simplicité. Et donc, c'est l'argument un peu massue, c'est que c'est pratique. C'est tellement pratique qu'on est prêt à brader tout et n'importe quoi pour pouvoir les utiliser, et en plus gratuitement. Donc, il y a le petit adage hein, qui dit « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Ben, dans ce cas-ci, c'est vrai, parce que vos données sont commercialisées par après. Et donc, c'est très dur, parce qu'en fait, quand vous faites cette démarche d'essayer de s'affranchir hein, de ces GAFAM, là, de Google, Amazon, etc., eh bien, vous rentrez un peu en résistance avec le courant principal du monde. Et alors, vous devez vous-même, en effet, aller chercher des alternatives. Et ce n'est pas tous les jours facile. Et c'est pour ça que c'est important que les collectifs comme le nôtre, que d'autres font aussi très bien, fassent la promotion d'autres outils qui, eux, sont plus respectueux de la vie privée, des libertés et de ces choses-là. J'allais dire, oui, j'ai 500 millions de caméras dans le monde. C'est comme ça, c'est ce qu'on dit dans le docu « Tous surveillés », 7 milliards de suspects. Donc oui, on est vraiment surveillés, quoi. En tout cas, tout est mis en place. Enfin, c'est quand même fou comment c'est venu petit à petit. C'est quand même venu assez vite, tout ça. Hein. Voilà. Et vous, vous proposez une alternative à tout ça. Donc, vous laisseriez quand même aussi ces 500 millions de caméras dans le monde, mais pour faire mieux, quoi. Non, pas vraiment. Sur les caméras, je suis quand même un petit peu plus circonspect. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de caméras, et il y en a de plus en plus. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu, hein, mais la semaine passée, ou il y a 2 semaines, en tout cas, la côte flamande, hein, chez nous en Belgique, va installer un réseau de 120 caméras avec intelligence artificielle derrière qui va, entre guillemets, gérer le flux des gens. Bon. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on peut gérer le flux des gens avec des gardes-côtes, avec des policiers, avec d'autres gens. J'en sais rien. Et même, pourquoi gérer le flux des gens, qu'on laisse les gens tranquilles un peu ? C'est ça aussi. Dans le contexte sanitaire, on peut comprendre qu'on peut essayer d'éviter les rassemblements. Donc c'est le prétexte, tu vois. C'est ça que c'est. Et ce prétexte, il est très dangereux, parce que ces caméras, une fois qu'elles seront mises, elles ne seront plus enlevées. Et ça, on le sait. Dans les attentats, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, je vais prendre une anecdote qui est très privée, il y a quelques mois, je suis allé ici à un musée de Marimont, près de Morlaix, un très chouette musée, je vais voir une expo, et avant d'entrer, les gens, l'hôtesse me dit « Ah, monsieur, vous devez retirer votre manteau, votre sac, il y a un contrôle à l'entrée, etc. » Je veux dire, je crois qu'on était 5 dans le musée, et je veux dire, on n'est pas dans le centre de Bruxelles, je veux dire, on est dans un petit musée qui est très très joli, hein, d'ailleurs, mais je ne comprenais pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer une guide qui est en fait une amie d'école que je connaissais bien. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on m'a fait un contrôle de sécurité avec un portique, avec un truc de métaux, avec un policier, etc., alors qu'il n'y a personne ? Et elle m'a dit textuellement, écoute, avec les attentats qu'il y a eu au musée juif, ben, on a dû prendre des mesures de sécurité il y a quelques années. Et je dis, oui, mais maintenant, il n'y a plus tout ça. Elle m'a dit, oui, mais en fait, comme on l'avait acheté, ben, on le laisse, quoi. Et ça, c'est anecdotique, mais ce n'est pas tant que ça, parce que c'est toujours comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'effet cliqué, en fait, dans ces technologies. C'est-à-dire que, en fait, quand vous faites un pas en avant, vous ne faites jamais le pas en arrière. Les gens s'habituent. Et du coup, tous les prétextes sont bons pour arriver à nous en donner un petit peu plus. C'est exactement ça qui est en train de se passer pour la crise. On en veut plus. Ah, on a vu que le numérique nous sauvait la vie. Et donc, il faut en mettre plus. Et on sait très bien que ce soit des caméras, que ce soit des logiciels, etc., on va faire difficilement marche arrière. Et donc, il faut être doublement prudent en sachant ça. Il faut toujours savoir dans quoi on va s'engager et garder une vision long terme aussi des choses. C'est-à-dire qu'on prend une décision, dans ce cas-ci, dans l'urgence. Bah, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire. La limiter dans le temps et puis s'assurer qu'après cette période-là, ce soit retiré pour ne pas arriver à des dérives ou en tout cas à de la banalisation de la surveillance. Il faut d'ailleurs préciser, parce que quand tu dis on prend ce genre de décision, c'est pas les gens qui prennent ce genre de décision, tu vois, c'est l'État qui met en place ça. Mais peut-être ça, j'ai entendu une idée qui disait allez, tous les géants, les GAFAM là, tous les géants du numérique, ils rêvaient d'une société comme on a vécu là pendant le confinement. Il paraît que Amazon a fait des chiffres mirobolants. Enfin, il y a donc, tu vois, il y a quand même une intention. Ouais, je sais que ça fait un petit peu, alors du coup, complot. Mais bon, moi, je ne crois pas du tout. Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot, tu vois. Mais il y a quand même des intentions qui ne sont pas ouvertes, dites tout haut à monsieur, madame, tout le monde. Même si des fois, il y a monsieur, madame, tout le monde qui disent « Ah, oh, ben, ça nous sécurise tout ça, ça, c'est très bien. Il y en a d'autres qui sont très critiques par rapport à tout ça, quoi, tu vois, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien de le rappeler que ce « on », c'est pas nous, et qu'il y a des intérêts qui sont financés derrière. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit, quand les gens vous font des discours sur le numérique, sur le progrès, etc. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je me demande, OK, qu'est-ce qu'ils ont à me vendre ? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils ont à me vendre ? Parce qu'en général, voilà, on parlait tout à l'heure de 5G, ben, il y a eu un débat sur l'RTBF, je pense, la semaine passée, sur la 5G. Pas un débat, mais en tout cas, une explication, clarification. Ben, le gars qui était invité, c'était le patron de Proximus. Un gars très bien, c'est pas ça, mais forcément, c'est dans son intérêt. Dans le secteur des télécommunications, la 5G est un des seuls vecteurs de croissance qu'ils ont. Et donc, forcément, ils vont nous dire que c'est très bien et que c'est comme ça, et on va avoir tous les avantages. Je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un en face qui pouvait aussi lui dire tous les problèmes que ça pouvait poser. Et le problème, c'est que ces intérêts dont on parle, qui sont des intérêts de quelques-uns, qui sont des intérêts des gens qui font de la technique, en fait, hein, que ce soit des entreprises... ou des ingénieurs, des startups, ou tout ce qu'on veut. En fait, ces gens, en développant... Ce monde dont tu viens à la base. Hein. Ce monde dont je viens, et donc dans lequel j'ai contribué largement, finalement, dessine un projet de société. Un projet de société où il y a des caméras partout, où tout ce qu'on vient de décrire là se passe. Et pour eux, c'est comme ça. Et il n'y a pas d'autres alternatives en fait possibles. C'est un peu, ils prennent toujours l'image de la vague. La vague du numérique arrive sur vous. Soit vous mourrez, soit vous apprenez à surfer. C'est le truc des consultants, ça marche toujours. L'image est belle, mais c'est pas une vague naturelle. Le changement climatique, c'est une vague naturelle. C'est-à-dire que là, je veux dire, il y a pas quelqu'un qui s'amuse. Non, enfin, oui, on est un peu responsable de ce qui se passe, même beaucoup. Mais en tout cas, le réchauffement climatique, genre, il est là. Et là, il va falloir composer avec. Les technologies, c'est pas ça. Les technologies, ce n'est pas une vague qui est là et il faut faire avec. Non, les technologies, c'est encore une fois des choses, des gens qui prennent des décisions, qui développent des technologies pour une certaine vision de la société. Et là où je ne te rejoins même pas quand tu dis que les dessins ne sont pas toujours clairs ou annoncés, ben ce n'est même pas vrai. C'est-à-dire que ces gens qui poussent ce style de société ou ces modes de vie ne s'en cachent pas, en fait. Si on regarde ici, j'ai lu justement hier ou avant-hier le dernier rapport c'est le groupe européen au niveau des télécommunications. Ils ont sorti un rapport la semaine passée qui s'appelait l'avenir du numérique en Europe, ou enfin c'était quelque chose de très voilà qui était déjà pas très objectif. Et alors dedans, je veux dire, on ne se cache de rien. Nous avons remarqué qu'avec la crise, le numérique a permis de faire plein de choses géniales. Et maintenant, nous encourageons tous nos États membres à investir dans les infrastructures, supporter les entreprises qui font du numérique, à mettre du numérique partout, à l'école, dans les entreprises, dans nos vies, dans les villes, dans les objets. Ça, le commun des mortels n'est pas vraiment au courant. Non, et c'est pour ça que c'est un devoir qu'on a, un devoir d'information, et que les gens comprennent aussi ce qui se passe. Parce qu'honnêtement, ce sont des enjeux qui sont tellement complexes que c'est pas évident à comprendre. Allez dire à quelqu'un une caméra. Je veux dire, la caméra, c'est quand même un sujet qui, paradoxalement, ici, dans les dernières élections communales en Belgique, a fait un consensus de tous les partis. Il n'y a plus d'opposition. Quand on disait on va mettre plus de caméras dans la ville, il n'y avait même pas une opposition. Tous les partis confondus disaient oui, ça c'est bien. Mais pourquoi ça se passe comme ça? On est aussi idéologisé. Je veux dire, quand je parle des comptes chinois, je pourrais aussi parler des comptes belges ou des comptes français. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a pas de réelle critique par rapport à tout ça, quoi? Je pense que si on prend les choses personnellement, les gens se disent quoi? On essaye de se mettre dans la peau d'un citoyen qui n'est pas au fait de tout ça, en fait. Le citoyen va se dire quoi? Ben, c'est chouette. S'il y a des caméras, si on vole mon vélo, je verrai qui me le vole. Voilà, ça va se limiter à ça. Mais la réalité, elle est quand même tout autre. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'études qui ont été faites. On a dans notre collectif Alternumeris une professeure de l'université de Gand qui travaille en fait sur les sujets de surveillance, de caméras, etc. Et elle nous apprend toujours plein de choses assez géniales. Elle nous explique par exemple que les caméras sont inutiles pour le moment s'il n'y a pas de traitement en temps réel derrière. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 caméras, mais que vous avez deux policiers qui regardent derrière ce qui se passe, ça sert. Deux policiers qui regardent il faut quelqu'un qui surveille les caméras, c'est ça, regarde l'écran en fait. Oui, c'est ça, et donc y a beaucoup de caméras qui sont installées, mais les effectifs de police, eux, ne suivent pas, et donc au final, ces caméras ne sont pas... Je ne veux pas dire qu'elles servent à rien, mais en tout cas, on peut douter de leur efficacité, et ça c'est... Excuse-moi tout le temps de te couper, hein, mais c'est parce que quelque part, on dépense l'argent, ça crée du business, hein, ça fait marcher l'économie, et au fond, après, on s'en fout en fait. C'est vraiment ça, c'est trouver des nouveaux marchés. on fait construire, on installe et après on s'en fout. Oui, mais ça c'est le modèle, c'est le modèle en tout cas des entreprises qui vendent ce type d'équipement. Parce qu'en effet, si on se repose toujours la question qu'est-ce que ces gens vont nous vendre, ben, c'est clair que les gens qui font des caméras, pour le moment, ils se frottent les mains, ils vont en avoir de plus en plus et ils vont te dire, ben, en effet... Pour que les caméras soient efficaces, il faut du traitement derrière. Et vu que les policiers ne sont pas assez nombreux, que les gens ne sont pas assez nombreux, on va vous mettre de l'intelligence artificielle, on va tout automatiser pour vous, comme ça, ça va être efficace. Voilà. Et donc, il y a tout un raisonnement qui est assez pernicieux derrière. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Singapour. Moi, j'y suis allé il y a quelques années. C'est une ville où, je pense, sans exagérer, il y a une caméra à tous les coins de rue, vraiment. Vous arrivez dans une bouche de métro, il y a 6 caméras sur votre tête. Et alors, à l'entrée de je ne sais plus quelle station, il est mis... Ici, un jour, il y a 8 ans, on a volé un vélo, le gars est allé en prison, on l'a retrouvé après 6 secondes, j'en sais rien. Et en fait, j'ai beaucoup parlé avec les locaux sur place et ils me disent, ici, les gens ne volent pas, c'est impossible, il y a tellement de caméras qui sont sur vous que vous ne pouvez pas. Et donc, j'ai rencontré des étrangers qui se sentaient super en sécurité, ils disaient, waouh, cette ville est géniale, je me sens vraiment en sécurité, il n'y a aucun problème, etc. Et moi, je me disais, waouh. Derrière, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau du gouvernement de Singapour. Et voilà, le gouvernement et l'État promet simplement qu'il utilisera ces données, en bon père de famille si je puis dire, mais en tout cas, l'État garantit que ces données seront utilisées correctement pour le bien public. Mais après, on peut dire aussi que mettre des caméras partout, c'est pour le bien public. Mais si on doit y sacrifier sa vie privée ou sa liberté, je pense que c'est quelque chose qui doit largement être réfléchi, en sachant que ces caméras, encore une fois, quand elles seront là, on ne va pas les enlever. Et en plus, on ne sait même pas qu'elles sont là. C'est ça qui est dingue. À Bruxelles, il y a un réseau de caméras énorme. Personne ne sait même qu'il est filmé. Quoi. Ça, c'est, je pense qu'il faut éduquer les gens. Il faut que les gens le sachent. Et il faut que les gens aussi prennent des actions. Je veux dire, c'est aussi facile de se dire, vous savez... Les gens nous dessinent cette société-là, il y a des intérêts commerciaux, c'est comme ça que ça se passe. Oui, ok, c'est d'accord, je trouve que c'est déplorable, mais à un moment, les gens doivent se bouger aussi et doivent dire aux pouvoirs politiques, qui finalement, ce sont les pouvoirs politiques locaux qui décident si on met une caméra ou pas, sortez dans la rue, faites une pétition, faites tout ce que vous voulez, pas sur change.org la pétition, mais faites quelque chose, mais il faut simplement dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, ou au moins réclamer de la transparence, parce que ces caméras, elles sont là. Les drones, par exemple, les drones aussi, ils vous filment. Moi, si j'ai un drone qui arrive dans mon jardin, que je ne sais pas d'où il sort, je ne me sens pas très à l'aise. Si maintenant, j'allais dans la rue et que je commençais à filmer les gens, je pense que les gens ne seraient pas à l'aise non plus. Or, ils sont filmés en permanence et les données, on ne sait pas ce qu'on en fait, on ne sait pas qui nous filme. Il faut demander qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait de la transparence et au moins qu'on sache. Ok, vous avez mis des caméras, vous allez mettre de l'intelligence artificielle en Côte Flamande. Ok, avec qui vous avez signé le contrat? Ça, au moins, on le sait. Montrez-nous le contrat. Quelles sont les finalités de ça? Montrez-nous les intérêts commerciaux qu'il y a derrière. Montrez-nous, prouvez-nous que les données vont être utilisées, vont être agrégées, vont être anonymisées. Prouvez, donnez-nous au moins de la transparence. Et ça, les gens ne le font pas, ou en tout cas le font peu. Il y a quelques associations qui se battent hein, pour ça. Il faut vraiment continuer pour qu'il y ait cette transparence et que les citoyens, de façon générale, aient leur mot à dire sur est-ce que je veux vivre dans une société hyper sécuritaire ou pas. Et si c'est le cas, et si tout le monde veut ça, ok, faisons-le, il n'y a aucun souci. Mais je n'ai pas l'impression, moi, dans ce que j'entends, quand les gens sont éduqués et qu'ils comprennent, en fait, ce qui se passe derrière, en général, les gens sont un petit peu moins chauds de cette société hyper technologique. Tu parles des 10% alors ? Les femmes. Ben oui, mais il y a tous les autres aussi. Je parle des 10%. Après, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que essayer de sensibiliser les gens, de donner l'information, d'éduquer et qu'après, les gens se fassent leur propre opinion. Et après, voilà, on aura la société qu'on mérite. Mais pour ça... Non, j'aime pas ce terme, on aura la société qu'on mérite. Mais non, non, il reste 2 minutes. Ça, c'est déjà bouclé, quoi. T'as entendu que les manifestations étaient interdites? Ça veut dire que les gens qui sont pas d'accord, la santé en lutte, là, non, tu vois, tous les médecins là étaient dans la rue il y a quelques jours. Mais c'est ça craint de manifester. Ça craint de manifester. Oui. Pourquoi? Parce que. Parce que le l'État, le gouvernement ne veut pas que ça manifeste. Je crois qu'ils ont changé d'avis maintenant, mais jusqu'à peu, toujours avec le prétexte du Covid. Il y a eu la grande manifestation à Bruxelles avec les violences policières. Limite, c'est dangereux parce qu'on va attraper... Enfin, voilà, tu vois, il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que c'est encore... Tu dis, il suffirait que les gens... Tu dis pas il suffirait, mais genre, réveillons-nous les gens, il faut pas laisser faire. Mais je crois que le politique, je simplifie la pensée, mais l'État, le gouvernement, il s'en fout complètement. il veut mettre son système en route grâce au Covid et c'est parti, quoi. Oui, bien sûr. Mais le Covid, en fait, c'est l'excuse rêvée. En fait, c'est la réponse à toutes les questions qu'on ne se pose même pas. On ne peut pas manifester parce qu'il y a le Covid. J'ai vu hier sur mon GPS que même mon GPS me disait l'itinéraire est incertain parce que c'est le Covid. Ici, on a refusé un projet ou une conférence parce que c'est le Covid. Et en fait, les gens, sans autres explications qui n'ont souvent pas de sens, justifient par le Covid tout ce qu'ils ont envie de faire et font passer tout ce qu'ils ont envie de passer. Maintenant, je ne dirais pas que les politiques s'en foutent de tout ce qui se passe. Je pense qu'ils y contribuent largement. Pourquoi ? Parce que ces grosses entreprises génèrent des revenus, génèrent potentiellement aussi de l'emploi, même si au niveau fiscal, c'est quand même assez obscur ce que l'État belge, en tout cas, en reçoit pour chez nous. Mais le gouvernement se complaît là-dedans et encourage ce genre de politique. Et donc oui, moi je trouve en tout cas que ce qui est intéressant avec la manifestation qui s'est passée à Bruxelles avec le Black Lives Matter, c'est que là aussi, forcément, il y a eu deux camps. Il y a eu ceux qui ont dit... Il faut le faire parce que le racisme, c'est important. Et puis voilà, et d'autres qui ont dit, oui, mais non, il y a le confinement. Et on ne s'est pas fait chier 3 mois à rester chez nous pour qu'après, il y ait 10 000 connards qui soient en train d'aller... C'est un peu les deux clans, je caricature, qui se sont mis. Mais pour moi, c'était très important parce que ça nous a montré que les gens qui sont allés jugeaient que la cause, la valeur, dans ce cas-ci, raciste, égalité, tout ce qu'on veut, que cette valeur-là était plus haute que la valeur ici de la santé publique, dans une période où voilà, on est en déconfinement et donc les choses ont l'air d'aller mieux, ben, on pourrait faire ça de façon générale. On pourrait toujours se dire, par exemple, ici on a parlé des caméras et de la sécurité, est-ce qu'on veut que l'argument de la sécurité et des caméras prime sur toutes les autres valeurs ? Est-ce qu'il faut nous priver de liberté pour notre sécurité ? Ça, c'est une question auquel c'est pas les entreprises et les gouvernements qui doivent réfléchir seuls, c'est tout le monde qui doit y arriver. C'est ce qu'on essaye de prôner, justement, quand je parlais de démocratie numérique, c'était ce genre de questions que je voulais aborder, en tout cas. Que le collectif Réflexion Action Alter Numéris, qui aide un peu à mettre en place. Mais c'est encore, voilà, on est obligé de couper, mais on aurait envie de plus savoir qu'est-ce que vous proposeriez. Tu l'as dit un petit peu au début, tu vois, mais ça reste un peu flou quand même, tout ça, je trouve, ce que vous proposez. La chose la plus concrète, à mon avis, qu'on est en train de travailler, c'est une institution. En fait, une institution qui serait pluridisciplinaire et qui serait indépendante et qui viendrait s'assurer de faire l'interface entre la société, les technologies et toutes les parties prenantes qui sont autour. Parce que ça manque cruellement. C'est-à-dire qu'a priori, les décisions se font avec les gens qui sont au pouvoir, avec les partis politiques, et souvent, ils sont accompagnés de conseillers qui sont des gens des entreprises du numérique. Et donc, il y a une pluralité ici... pour moi, qui n'est pas acceptable. Et donc, si on avait une institution qui était là, qui était mandatée pour analyser les questions, par exemple, de la 5G, des caméras, etc., qui serait indépendant avec toute une série de chercheurs, qui serait là aussi pour alimenter le débat public, pour éduquer les gens, pour donner des formations, que les gens comprennent ce qui se passe, je pense que ça aiderait d'avoir une espèce de... Oui, cette institution qui viendrait pas vérifier du tout, mais en tout cas s'assurer que tous les points de vue sont bien pris en compte et qu'on a bien réfléchi à tout avec tout le monde. Mmh. Ça, ce serait important. Ça, c'est ce qu'on va essayer de promouvoir dans les mois qui viennent. Donc, ce serait quelque chose de politique, du coup. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une place à prendre au niveau du pouvoir, parce que, je le retraduis avec mes mots, mais c'est comme si le gouvernement, l'État n'avait pas d'éthique ou n'a pas de pensée claire par rapport à tous ces outils numériques. Il ne voit pour le moment que le business. En même temps, c'est le business qui finance, l'État qui finance aussi. Mais il n'y a pas de valeur à défendre avec ça. Et c'est comme si vous aviez envie de proposer cette place-là, parce qu'il n'y en a pas pour le moment, quoi. Oui, parce que ça nous semble fondamental. Ce sont des sujets, comme j'ai dit, qui sont très complexes. Et on l'a vu, surtout dans la période de crise qui est ici, c'était sanitaire. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il s'est entouré d'experts. Il a pris des épidémies, bazar, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne freine pas même au niveau du numérique ? Pourquoi est-ce que quand des décisions qui sont si importantes, ils le disent eux-mêmes, hein, le numérique va changer nos vies, ils vont changer tous les aspects, peu importe lequel, ça va être changé. Donc c'est tellement important. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'entoure pas d'institutions ou de gens qui sont indépendants, qui sont neutres et qui font du travail en pensant aussi au long terme et pas simplement de faire ce travail-là avec quelques entreprises qui ont des intérêts économiques à vous vendre le plus de technologies possible parce que c'est comme ça que ça marche. Mmh. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où les voitures conduisent toutes seules, où tous les objets sont connectés, avec tous les problèmes que ça peut avoir en termes de vie privée, en termes d'écologie aussi, de développement durable? Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas? Et ça, pour le moment, personne n'y répond. Enfin, si, en tout cas, les politiques et les entreprises y répondent et nous disent « oui, vous n'avez pas le choix ». Et c'est là où nous, on dit, est-ce qu'on peut tous se mettre autour de la table et réfléchir avec les citoyens, savoir si c'est ça qu'ils veulent. Et là, c'est moins évident. Voilà, et on termine. Je dépasse de 3 secondes, 4 secondes, vite, il faut que je termine. Mais du coup, ça donnait envie de plus parler de votre réflexion, de votre collectif. Comment est-ce que vous voyez vraiment le futur demain avec tout ce numérique, tu vois? Mais là, on n'a plus le temps. On est obligé de se dire au revoir. Salut, Steve Thompson. Salut, Graziella.